la villa Rospigliosi, par Hippolyte Étienèse. Par une chaude soirée de l'année 1635, un jeune homme gravissait péniblement les monts Albani, à l'endroit où il traverse et soulève la route de Rome à Terracine. En juger par la simplicité de son costume, il appartenait évidemment à la classe la plus pauvre de la société. Un petit sac de cuir, suspendu autour de son corps à l'aide d'une longue lanière, renfermait tout son bagage, et un bâton grossier, coupé sur quelque arbre du chemin, lui servait à soutenir sa marche pesante. Sa chevelure noire tombait en boucles luisantes sur ses épaules et donnait à son visage, encore dépourvu de barbe, un air de jeunesse que ne démentait ni la fraîcheur ni la délicatesse de ses traits. Mais en ce moment, une sueur abondante inondait son front, une couche épaisse de poussière souillait la beauté naturelle de sa physionomie et la fatigue atténuait visiblement la grâce de son corps adolescent. Arrivé au sommet de la montagne, le jeune voyageur s'arrêta. Il porta d'abord les yeux sur l'horizon, comme pour y découvrir le but impatiemment désiré de son voyage. Mais ses espérances furent sans doute déçues, car une expression étrange contracta les extrémités de ses lèvres et il détourna presque aussitôt son regard, qu'il promena indifféremment autour de lui. Le spectacle qui s'offrit alors à sa vue sembla le consoler de ses regrets. En effet, une plaine immense se déroulait à ses pieds. Albano, Frascati, Palestrina, Segni et une foule d'autres petites villes moins importantes émaillaient de leurs maisons de marbre blanc ce gigantesque paysage. La mer de Sicile, que l'on découvrait au loin et dans laquelle le soleil se couchait en ce moment, encadrait ce tableau magique dans un cercle de feu. Le ciel lui-même était embrasé. Une aigrette ardente couronnait le sommet des collines. Les vallées seules se plongeaient sensiblement dans les ténèbres et produisaient, par leur contraste avec cette nature enflammée, une richesse de tons devant laquelle le jeune voyageur en extase demeurait immobile. Quand il eut suffisamment donné cours à son admiration, le jeune homme se retourna. Mais il ne trouva derrière lui qu'un mur de jardin auquel sa première préoccupation ne lui avait pas donné le temps de prendre garde. Une claire-voie pratiquée dans la muraille lui permit cependant de plonger sa vue dans un parc magnifique, à l'extrémité duquel on entrevoyait une élégante villa. De nombreuses statues, disséminées çà et là sous les charmilles, faisaient ressortir la verdure du feuillage, qui leur donnait à elle-même un plus vif éclat. Tout à coup, un bruit harmonieux vint frapper son oreille. C'était une source limpide qui s'échappait par les fissures des pierres et allait, en courant sur le flanc de la montagne, se précipiter comme un petit torrent de la lac Castello, qu'on apercevait à quelque distance de là. Séduit par la beauté de ce site et harassé de fatigue, le jeune voyageur jeta son bâton sur le sol, et après s'être désaltéré et lavé le visage, il s'assit nonchalamment sur une borne, en s'adossant contre le mur du jardin. Puis, ayant ouvert son petit sac, il en retira quelques fruits qu'il dévora avec cet appétit que donnent la jeunesse et la marche. Il avait à peine commencé son repas qu'un bruit léger se fit entendre derrière lui. Il se retourna vivement et aperçut, à travers les barreaux de la claire-voie, une délicieuse tête de jeune fille qui le regardait avec étonnement. Cette vue arracha un cri d'admiration au jeune homme. Mais la jeune fille, dont le visage était devenu pourpre aussitôt, changea promptement la direction de ses yeux et le reporta loin sur le paysage. Enfin, quand il fut revenu de sa première impression, « Ma belle demoiselle, voudriez-vous me dire à quelle distance je suis encore de Rome ? Vous en êtes à 20 000. »« 20 000 !» reprit tristement le jeune homme en hochant la tête, ce qui fit onduler sa luisante chevelure. « C'est bien loin, et je suis bien fatigué. Quelle est du moins la ville la plus voisine où je puisse me reposer cette nuit ? C'est Frascati, que vous apercevez de ce côté sur le flanc de la montagne. Merci. » répondit le voyageur en fixant sur la jeune fille son regard timide et doux. Puis, ayant retiré de son sac un album et des crayons, il se disposa à dessiner quelques parties du paysage. Tandis que le jeune homme tenait les yeux tournés vers la campagne, la jeune fille l'observait en silence et bientôt, cédant à un sentiment de curiosité naturelle à son âge, elle reprit la parole avec cette familiarité naïve qui est propre à tous les enfants. « Vous venez donc de bien loin, demanda-t-elle, de Naples. Et qu'allez-vous faire à Rome ? Je vais peindre des madones. Est-ce qu'il n'y a des madones qu'à Rome ? Je le croyais, répondit le jeune homme en souriant. Mon oncle Gréco m'avait toujours cité les vierges de Raphaël comme étant les plus belles. Mais je vois que mon oncle Gréco n'a jamais franchi les monts Albani. En disant ces mots, l'artiste, enthousiasmé du caractère de cette belle tête italienne, saisit à la dérobée les traits de la jeune fille et les transporta, d'un coup de crayon rapide, sur son carton. Celle-ci s'en aperçut. Mais loin de s'en offenser, elle s'y prêta d'elle-même en observant une immobilité parfaite. Tout à coup, une voix sévère se fit entendre. « Ophélia, dit cette voix, que faites-vous ici ?» À cette question, la jeune fille tressaillit. C'était son père. « Monseigneur, répondit le voyageur en se levant et sans se déconcerter, ne grondez pas la signora. Je suis seul coupable. J'allais chercher des têtes de vierge à Rome, et j'en ai trouvé une sur mon chemin. Je l'ai prise. Tout ce qu'il y a de beau sous le ciel n'appartient-il pas de droit aux artistes ?» À ce langage effronté, l'Italien reporta sur le jeune homme le regard sévère qu'il avait tenu jusque-là fixé sur sa fille. Mais en voyant ce visage brillant de jeunesse et d'insouciance, il ne put conserver sa gravité et laissa échapper un léger sourire. « Qu'êtes-vous donc ? Demanda-t-il. « Peintre ou sculpteur ? Je suis peintre, monseigneur. Et puis-je voir le travail que vous inspirez ma fille très facilement ?» répondit le peintre en passant son album entre les barreaux de la claire-voie. Le père d'Ophélia n'eut pas plutôt jeté les yeux sur ce dessin qu'un changement complet s'opéra dans sa physionomie. Les contours en étaient tracés avec une telle légèreté, une telle grâce, que le repère, séduit et flatté, ressentit aussitôt pour le talent du jeune peintre autant d'admiration qu'il avait d'abord éprouvé de méfiance et d'incrédulité. « Jeune homme, reprit-il avec bienveillance, comment vous appelle-t-on ? Salvatore, monseigneur. Quel âge avez-vous ? 20 ans. Et vous allez à Rome, m'avez-vous dit, pour vous perfectionner dans l'art de la peinture ? Oui, monseigneur. Votre père consent-il du moins à ce voyage ? À cette question, deux larmes s'échappèrent des yeux du jeune homme. « Mon père est mort, répondit-il tristement. C'était un pauvre arpenteur de Naples, et il n'avait que son état pour nourrir sa femme et élever ses enfants. Aujourd'hui, c'est à moi de prendre sa place, mais j'ai du cœur, j'ai du courage, et Dieu aidant, j'espère être bientôt utile à ma famille. Voilà pourquoi je vais à Rome. » Salvatore, reprit l'interlocuteur, ému de la jeunesse et de la sensibilité de l'artiste, consentiriez-vous à passer une année chez moi ? Celui-ci hésita avant de répondre à cette invitation dont il ne comprenait pas le motif, et qui le menaçait d'un retard dans l'accomplissement de ses dessins. « J'ai de grands travaux de peinture à faire exécuter dans mon château, » continua le père d'Ophélia. « Et puisque le ciel vous a conduit ici, voulez-vous les entreprendre ?»« Oh, de grand cœur !» s'écria le jeune peintre, dont le visage rayonna subitement à cette proposition inespérée. « Eh bien, je vous attends. Faites le tour du parc. Vous trouverez un portique sur lequel est écrit « Villa Rospigliosi ». Entrez. Je serai là pour vous recevoir. » Salvatore, ivre de joie, ramassa là son petit bagage, et jetant au loin son bâton, comme un voyageur arrivé au terme de son voyage, il courut précipitamment vers le lieu qui lui avait été indiqué. Le jeune peintre fut installé le soir même dans le palais du prince Rospigliosi. On disposa pour lui un petit pavillon situé au milieu du parc et dont la terrasse, dominant les murs d'enceinte, permettait à la vue de s'étendre au loin sur la campagne. Salvatore, épuisé de fatigue, se jeta sur son lit, mais il ne put dormir. Le changement brusque et imprévu qui venait de s'opérer dans sa destinée était si miraculeux, si extraordinaire, qu'il n'osait y croire. Il lui semblait voir les événements de la soirée fuir et disparaître comme un rêve, à mesure qu'il cherchait plus obstinément à se les rappeler et à les approfondir. Enfin, le sommeil vint mettre un terme à toutes ses inquiétudes et calmer, par sa puissance consolatrice, les terreurs involontaires qui commençaient à s'emparer de son cœur. Quand Salvatore se réveilla, il faisait grand jour. Un limpide rayon de soleil entrait par la croisée et illuminait, de ses reflets dorés, les meubles et les tentures de l'appartement. Le jeune homme, encore sous le poids des impressions pénibles avec lesquelles il s'était endormi, se sentit délicieusement ramené à la réalité de sa nouvelle et heureuse position. Il descendit précipitamment de son lit, secoua les boucles mêlées de sa chevelure, rajusta avec soin sa toilette, puis, ayant ouvert une porte-fenêtre qui conduisait de plein pied dans le jardin, il s'enfonça joyeusement sous les charmilles. La campagne était silencieuse et déserte. Les oiseaux seuls faisaient entendre leur chant varié et mélodieux. Une rosée légère scintillait sur les fleurs des parterres et sur les herbes des gazons. Aucune poussière ne souillait la verdure du feuillage et l'atmosphère humide se ressentait encore de la fraîcheur de la nuit. Tout dans la nature, le soleil lui-même, par son peu d'élévation, révélait à Salvator l'heure matinale à laquelle il s'était levé. Néanmoins, il continua sa promenade et profita de la solitude du parc pour contempler en détail et admirer à son aise les belles statues qui étaient répandues à profusion. Après avoir parcouru ainsi plusieurs allées du bois, le jeune peintre se trouva brusquement en face de la claire-voie au pied de laquelle il s'était reposé la veille. Une jeune fille vêtue comme Ophélia, gracieuse et élancée comme elle, était accoudée à la même place et, comme elle, semblait promener un regard d'admiration sur le paysage. À cette vue, le jeune homme sentit son cœur battre violemment dans sa poitrine. « Ophélia » murmura-t-il, « Ophélia !» La jeune fille se détourna, mais ce n'était point Ophélia. Salvator, honteux de sa méprise, rougit aussitôt et baissa son beau front vers la terre. « Seigneur, dit la jeune fille en souriant de l'émotion du jeune homme, « est-ce que vous avez peur de moi ?»« Je n'ai point peur, » répondit naïvement Salvator. « Il est vrai que je ne suis point Ophélia, mais je suis Titania, sa sœur. » Salvator releva timidement les yeux, et voyant le sourire bienveillant que lui adressait son interlocutrice, il reprit son air riant et ouvert. « C'est vous, sans doute, reprit Titania, qui est chargée de restaurer les peintures du palais ?»« Oui, signora. J'espère alors que vous voudrez bien faire mon image comme vous avez fait celle de ma sœur. Avec plaisir, signora. » Et tout en parlant, le jeune peintre tenait ses yeux invariablement fixés sur la jeune fille qu'il examinait avec soin. Titania était belle comme sa sœur. Comme Ophélia, elle avait une longue chevelure noire et un teint chaudement coloré par les rayons du soleil d'Italie. Mais l'expression de ce visage était bien différente. Ophélia avait un regard incisif et pénétrant, dont la dureté contrastait singulièrement avec son extrême jeunesse et la douceur de sa voix. Une préoccupation vague, mais constante, semblait agiter son âme et se révélait sur son front par des ondulations mobiles et insaisissables. Titania, au contraire, bien que plus âgée que sa sœur de quelques années, portait dans ses traits une bienveillance qui attirait invinciblement et mettait à l'aise tous ceux qui l'approchaient. Salvator avait subi cette influence irrésistible et s'entretenait déjà familièrement avec la jeune fille lorsque tout à coup Ophélia sortit du bois tout près d'eux. « Seigneur, mon père désire vous parler et m'a chargé de vous conduire à son appartement. »« Signora, je vous suis, » répondit Salvator en jetant à Titania un sourire d'adieu. Ophélia perçut ce sourire et ses lèvres pâlirent subitement. Elle se mit à marcher en silence devant l'artiste qui la suivit sans oser prononcer une seule parole. « Salvator, dit le prince, voici 1000 sedos que je vous donne pour subvenir à vos premiers frais. C'est beaucoup trop, monseigneur. Vous garderez ce qui restera, puisque ce n'est qu'une avance sur le prix de votre travail. Maintenant, suivez-moi. » Le prince conduisit le jeune homme dans une immense galerie dont la décoration, pleine de goût et de magnificence, répondait parfaitement à la richesse des trésors qui s'y trouvaient renfermés. Des tableaux de toutes les grandeurs, serrés les uns contre les autres, entourés de cadres du plus haut prix, en revêtaient les murailles jusqu'au plafond. Derrière les glaces d'un buffet qui régnait uniformément tout autour de la salle, on apercevait de magnifiques volumes d'un format gigantesque et sur le dos desquels brillaient en fil d'or, brodés à la main, les armes de Rospigliosi. Sur la tablette de marbre qui recouvrait la partie supérieure de ce buffet, dans tout son pourtour, étaient répandus à profusion des objets de toutes formes et faits des matières les plus précieuses. C'étaient des coupes, des cassolettes, des lampes, des camées, des urnes, des amphores, des spatules, des casques, des boucliers et une infinité d'autres ustensiles de guerre, de toilette ou de religion. « Salvator, dit le seigneur, vous allez à Rome pour trouver des modèles. En voici qui, je crois, satisferont amplement vos exigences. Ces tableaux sont tous des chefs-d'œuvre des plus grands maîtres. Sur ces tablettes sont les morceaux de ciselure les plus précieux, mais, continua le prince en s'approchant d'une petite table à pied de satyre placée au milieu de la galerie, parmi tous ces objets, je vous recommande surtout cette petite tasse. C'est le chef-d'œuvre de Benvenuto Cellini. » En prononçant ces mots, le grand seigneur semblait couver la tasse divine de son regard amoureux. Quant à Salvator, dès son entrée dans ce sanctuaire, il avait été saisi de la plus vive émotion. Les yeux ébahis, la bouche entrouverte, il suivait machinalement les indications de son guide, aspirant à longs traits les émanations enivrantes qu'exhalaient toutes les parties de ce temple de l'art. Enfin, après quelques instants de silence, « Mon enfant, reprit le prince, vous paraissez ému, c'est bien. Cela prouve que vous sentez la puissance du génie. Prenez donc cette clé, c'est celle de cette galerie qui désormais demeure tout entière à votre disposition. Lorsque vous éprouverez quelque méfiance de vous-même ou que l'inspiration vous fera défaut, venez ici réchauffer votre imagination ou demandez à ces modèles des conseils qui ne vous failliront jamais. C'est votre cabinet d'études. » À cette nouvelle marque de bienveillance, le jeune homme ne peut retenir un élan de son cœur. « Monseigneur, votre bonté pour moi est infinie. »« Attendez, Salvator, » répondit le seigneur avec un gracieux sourire. Et il entraîna l'artiste dans une autre galerie dont les peintures et les décorations avaient évidemment besoin d'être restaurées. « Voilà, » continua-t-il, « votre cabinet de travail. Vous voyez ce qu'il y a à faire ici, mais avant de l'entreprendre, étudiez, Salvator, étudiez avec courage, avec persévérance. Moi-même, si vous le permettez, je vous aiderai de mon expérience, puisé dans un sincère amour de l'art. » Le jeune homme s'agenouilla aux pieds de son bienfaiteur et lui prit la main qu'il baisa avec effusion. Ces dernières paroles l'avaient convaincu en effet que ce travail n'était qu'un prétexte invoqué par l'exquise délicatesse du grand seigneur pour lui imposer son patronage puissant et éclairé. La fortune, comme on le voit, souriait de bonheur à Salvator, mais le jeune peintre avait l'âme trop grande pour oublier celle à qui il devait un sort si fortuné. L'image d'Ophélie a été gravée dans son cœur en trait désormais ineffaçable. À chaque instant, il lui semblait la voir belle et noble, comme il l'avait aperçue le premier jour à travers la claire bois des jardins. La nuit, ajoutant à cette vision le prestige merveilleux des songes, la lui montrait encore, sous les traits d'une sainte et bienveillante patronne, avec un ciel splendide ouvert derrière elle et une auréole brillante autour du front. Cette apparition constante ne tarda pas à produire une impression vive sur l'âme ardente du jeune artiste. Un sentiment nouveau se fit jour dans son cœur, et bientôt Salvator fut contraint de s'avouer qu'il aimait la fille du prince. Cette découverte le glaça d'épouvante. Outre la répugnance qu'il éprouvait à violer les lois sacrées de l'hospitalité, il comprit tout le danger, toutes les douleurs qu'il y avait pour lui au fond d'un amour aussi disproportionné. Et puisant dans son cœur même le courage nécessaire pour le combattre, il résolut de tout entreprendre pour résister à ses entraînements. Depuis quelque temps déjà, Salvator s'était mis à l'étude. Guidé par son propre génie et par les conseils de son protecteur, il avait conçu pour les salons du palais un plan de restauration aussi noble qu'élégant. Il commença donc aussitôt son œuvre, espérant trouver dans le travail un remède efficace aux mauvaises inspirations de son cœur. Titania était entrée aussi profondément que sa sœur, mais par une voie bien différente, dans l'affection du jeune homme. Il s'était établi entre eux une intimité pleine de charme et de douceur. Pendant que Salvator travaillait, Titania lui rendait de fréquentes visites et semblait prendre plaisir à assister aux élaborations de l'artiste. « Salvator, » dit un jour Titania en pénétrant brusquement dans l'atelier du peintre, « et mon portrait ?» Salvator, en ce moment monté sur son échafaudage, se retourna et fixa un long regard sur la jeune fille. « Votre portrait, signora ?»« Oui, ne me l'avez-vous pas promis ?» Le jeune homme reprit sa palette. « C'est vrai, je ne l'ai point oublié. » « Vous n'avez point oublié votre promesse peut-être, mais vous avez sûrement oublié de la tenir. »« Pardon, signora. » »« Ce portrait donc fait ?»« Sans doute. » »« Mais je n'ai pas posé. » »« Ne posez-vous pas sans cesse au fond de mon cœur. » Titania partit d'un grand éclat de rire. « Eh bien, » reprit-elle, « ce portrait, où est-il ? Le voici. » En disant ces mots, le jeune peintre se rangea de côté et la jeune fille se reconnut avec surprise au milieu de l'un des riches caissons qui ornaient le pourtour du plafond. En effet, cédant à l'irrésistible direction de ses esprits, Salvator avait d'abord reproduit dans ce médaillon l'image d'Ophélia. Depuis longtemps déjà, il se complaisait dans cet ouvrage. Et il allait y mettre la dernière main lorsque Titania était venue lui rappeler sa promesse. Alors une idée subite lui était venue, et accueillant avec empressement l'occasion de dompter sa faiblesse, il n'avait eu que quelques traits à corriger pour donner une physionomie nouvelle à ce masque de famille. Cependant, Ophélia n'avait pas tardé à s'apercevoir du soin que Salvator mettait à la fuir. Cette découverte l'avait plongée dans un grand étonnement. Jusqu'alors, elle avait parfaitement suivi, avec cet instinct de femme si prodigieusement développé, surtout chez les jeunes filles, les différentes variations qu'avait subies le cœur de Salvator. Mais depuis quelque temps, sa pénétration se trouvait en défaut. Le fil lui tombait des mains, et la pensée de Salvator se dérobait tout entière à ses plus clairvoyantes observations. Du reste, cette incertitude dura peu. Bientôt, Ophélia put remarquer les soins assidus que Salvator rendait à Titania. Elle vit leur intimité naître sous ses yeux. Elle vit leurs regards et leurs mains se rencontrer sans mystère, et leurs cœurs s'épancher l'un dans l'autre avec effusion. Ophélia devint subitement taciturne et sauvage. Ses yeux perdirent leur éclat, ses joues leur fraîcheur, et ses lèvres leur sourire. Une expression étrange altérait la pureté virginale de son front. Un pareil changement dans le caractère, dans les traits, dans les habitudes de la jeune fille, inspirèrent les plus vives inquiétudes. On l'interrogea avec anxiété, mais Ophélia demeura inébranlable et garda résolument son terrible secret. Les médecins, appelés à la suite de ces infructueux essais, échouèrent également dans leurs tentatives et furent réduits à se remettre aveuglément au temps et à la nature du soin de guérir cette bizarre monomanie. En effet, quelques jours après, tous ces symptômes alarmants avaient disparu. Ophélia, en passant un matin dans le salon où travaillait Salvator, avant l'arrivée de celui-ci, avait jeté machinalement les yeux sur la nouvelle peinture qui en décorait le plafond et reconnut son portrait. Cette vue produisit sur elle une commotion violente. Salvator pensait donc encore à elle. Il l'aimait encore. Il l'aimait même plus que Titania, puisque ses traits seuls étaient sortis de la palette du jeune peintre et que ceux de Titania ne se trouvaient nulle part. Ophélia revint chaque matin suivre le progrès du tableau. Chaque matin, elle revint heureuse et fière, jugée de la vie nouvelle que l'inspiration et l'amour du peintre lui avaient donnée dans l'intervalle. Chaque matin, elle revint ainsi contempler son image jusqu'au jour fatal où elle ne trouva plus que celle de Titania. Ophélia n'osait en croire ses yeux. Elle pensait être le jouet d'une hallucination, d'un songe, d'une erreur. Elle cherchait partout autour d'elle, espérant du moins se rencontrer en face de sa rivale. Mais non, Titania seule, Titania belle, souriante, heureuse, était là et Ophélia n'y était plus. Cette fois, sa raison faillit l'abandonner. Un tremblement nerveux s'empara de tous ses membres. Il se sentit un instant fléchir sous le poids de ce sanglant outrage. Mais elle eut bientôt rappelé à elle toute son énergie, et fixant un regard foudroyant sur l'odieuse peinture, « Ils s'aiment, » murmura-t-elle, « mais je saurai les séparer. » En effet, elle venait de concevoir un projet si abominable qu'elle avait pâli en le concevant. Le lendemain matin, un grand désordre régnait dans la villa Rospigliosi. On déplaçait les meubles, on fouillait les armoires, on vidait les coffres, on déclouait les tentures et les tapis. Les parquets étaient encombrés d'une foule d'objets de toute nature et de toute forme qu'on y entassait pêle-mêle, sans égard pour leur fragilité ni pour leur valeur. Tous les gens du palais étaient en mouvement. On en rencontrait dans toutes les chambres, sur tous les escaliers. La plus vive anxiété était peinte sur tous les visages, et l'on n'entendait partout que des paroles de désespoir. Que s'était-il donc passé? Quel événement imprévu avait donc troublé si subitement la tranquillité habituelle de cette paisible demeure? La petite tasse précieuse, le chef-d'œuvre de Benvenuto, le trésor le plus cher du prince de Rospigliosi, avait disparu dans la nuit. Cette disparition avait causé au prince une douleur d'autant plus grande qu'il ne pouvait accuser de ce larcin que les domestiques de sa maison. Son cœur lui défendait de porter sur d'autres un aussi grave soupçon. Il avait donc réuni sur le champ tous ces gens, et alors, d'une voix terrible, « Si dans une heure, s'était-il écrié, si dans une heure cette coupe n'est pas retrouvée, je vous fais tous arrêter et livrer à la torture. Allez !» Cependant, les recherches auxquelles on procédait avec tant de soin n'avaient amené aucune découverte. Consternés, abattus, les domestiques s'étaient réunis dans le vestibule et se faisaient part de leur découragement dans les termes les plus vifs et avec les démonstrations du plus violent désespoir. Tout à coup, Salvator parut. Il jeta d'abord un regard surpris sur cette foule en émoi. Mais peu soucieux de s'informer des motifs d'un trouble dont il était loin de soupçonner la cause, il passa outre sans s'arrêter. Ophélia entra dans le vestibule peu de temps après que Salvator en fut sorti. Elle était d'une pâleur mortelle, et une expression étrange animait ses traits. « La coupe est-elle retrouvée ? » demanda-t-elle timidement. « Hélas non ! » répondit-on de toutes parts. Presque aussitôt un murmure sourd commença à circuler dans cette foule. Bientôt le bruit grandit sensiblement, et un concert de voix accusatrices s'élevèrent contre Salvator. Qui avait provoqué ce soupçon infernal, c'est ce qu'on ne saurait dire. Néanmoins, la première rumeur était partie du groupe le plus voisin de la jeune fille, et lorsque cette rumeur s'était changée en paroles claires et distinctes, déjà celle-ci n'était plus là. Dans la position désespérée où il se trouvait, ces gens accueillirent avec transport la chance de justification et de salut que leur offrait la culpabilité hypothétique du jeune peintre. Trois d'entre eux se détachèrent donc, et profitant du moment où Salvator était occupé à son travail, allèrent explorer le pavillon qu'il habitait. Ce nouvel inventaire, bien que fait avec un soin minutieux, ne produisit d'abord aucun résultat. Les trois visiteurs, désappointés, allaient même se retirer lorsque l'un d'eux avisa le petit sac de l'artiste suspendu à la muraille. Ce sac n'était fermé que par de simples lanières de cuir passées dans des boucles de fer. Mais aucun d'eux n'osa l'ouvrir. Ils se reprochaient déjà amèrement leur démarche, et cette nouvelle violation d'un asile sacré soulevait d'autant plus leurs scrupules que la première n'avait servi qu'à confirmer la probité du jeune homme. Cependant, en y passant la main, ils sentirent une vive résistance et crurent reconnaître, sous l'épaisseur de l'enveloppe, la forme de l'objet tant cherché. À cette découverte, leur répugnance s'ébranla. Ils hésitèrent encore quelques instants, mais bientôt, cédant à la tentation, ils s'emparèrent de la balise, et pour concilier la voix de leur conscience avec celle de leurs intérêts, ils se mirent en devoir de la porter au prince lui-même. Lorsque, dans ce but, ils traversèrent le jardin, Ophélia, qui, debout à sa croisée, surveillait avec attention ce qui se passait, ayant aperçu le sac de Salvator aux mains de ses dénonciateurs, se retira précipitamment en arrière et tomba sans force sur un fauteuil en se cachant la face dans ses deux mains. Au moment où les trois domestiques entrèrent chez le prince, celui-ci était toujours en proie à une vive colère. Titania, triste et inquiète, assise dans un coin de l'appartement, cherchait mais en vain à calmer l'irritation de son père. À la vue de la valise de Salvator, la jeune fille tressaillit et se leva. Le prince fronça le sourcil et jeta un regard sévère sur ses serviteurs. « Monseigneur, dit l'un d'eux, ce n'est qu'après avoir tout fait pour trouver le coupable parmi nous que nous avons osé porter nos soupçons sur un autre. Mais vous avez seul le droit de voir s'ils sont fondés. » En disant ces mots, le serviteur présenta le sac du jeune peintre au prince. Celui-ci le prit silencieusement et l'ouvrit en tremblant. Tout à coup, Titania, qui, penchée sur son père, suivait ses mouvements avec anxiété, poussa un grand cri. La tasse précieuse était dans le sac du jeune peintre. « Sortez !» dit le prince d'une voix émue à ses domestiques, puis se retournant vers sa fille en pleurs. « Titania, reprit-il, qui l'aurait pensé ?»« Oh, mon père !» répondit Titania. « Le croyez-vous coupable ? C'est impossible ! Il y a au fond de tout ceci une machination infernale pour perdre Salvator. » Car une pareille dépravation ne saurait exister dans une âme aussi jeune, et jamais tant d'ingratitude n'a pu se couvrir d'un masque aussi trompeur. « Vous le voyez pourtant, dit le prince, voilà comment on est récompensé de ses bienfaits. Il faut que justice soit faite. Allez prévenir Salvator que j'ai à lui parler. » En ce moment, une larme furtive s'échappa des paupières du prince, mais il dompta sur le champ son émotion. Titania, consternée, se leva tristement, et après s'être essuyé les yeux avec soin, elle sortit pour exécuter l'ordre de son père. Lorsqu'elle entra dans l'atelier de l'artiste, celui-ci chantait une barcarolle napolitaine qu'il avait apprise autrefois en s'endormant sur les genoux de sa mère. Au bruit que fit la jeune fille, il interrompit ses chants. « Ah, vous voilà, signora, » dit-il en souriant. « Je craignais que vous ne m'eussiez oublié aujourd'hui. Moi, je n'ai pas cessé de penser à vous. Voyez donc comme je vous ai faite belle et radieuse. « Salvator, répondit tristement Titania, veuillez monter chez mon père, il vous attend. » Le ton de ces paroles étonna le jeune peintre. Il descendit précipitamment de son échelle dans le dessein d'interroger Titania. Mais celle-ci avait déjà disparu et s'était enfuie pour répandre plus librement les larmes qui l'étouffaient. « Monseigneur, dit Salvator en entrant dans l'appartement du prince, me voilà. » À la vue du jeune homme, le prince, qui se promenait à grands pas, s'arrêta. Il considéra quelque temps en silence cette physionomie si douce et si touchante, leva les yeux au ciel et les reporta aussitôt sur l'enfant. « Salvator, dit-il d'une voix sévère, je n'ai plus besoin de vos travaux. Quant au pavillon que vous occupez, ayez soin qu'il soit libre de bonne heure, car j'en veux disposer pour un autre. » Le jeune peintre sentit son sang se glacer dans ses veines. Une pâleur livide se répandit sur son visage. Ses yeux se mouillèrent de larmes. Il rejeta brusquement en arrière les boucles de cheveux qui voilaient son front, fixa un regard indicible sur son bienfaiteur, et d'un accent qui pénétrait jusqu'à l'âme, « Vous me chassez, monseigneur ?» Mais il n'en put dire davantage, car malgré ses efforts, les sanglots éteignaient sa voix. Le prince lui-même fut obligé de tourner la tête pour cacher son trouble et son émotion, puis elle reprit, « Salvator, tout ce que je vous ai donné jusqu'ici vous appartient, et vous pourrez l'emporter. Joignez-y encore cette bourse, car vous avez, je m'en souviens, une famille qui n'a pas cessé de mériter, elle, l'intérêt que vous m'aviez d'abord inspiré. « Monseigneur, monseigneur !» s'écria le jeune homme en se précipitant à genoux et en laissant tomber la bourse qu'il avait reçue machinalement des mains du prince. « Au nom du ciel, qu'ai-je fait pour encourir ainsi votre disgrâce ?»« Ce que vous avez fait, Salvator. Et mon Dieu, ce vase et cette valise, ne vous la rappelle-t-il pas assez ?» Puis, sentant tout à coup son courage faiblir en présence de cette douleur d'enfant si profonde et si déchirante, le prince s'enfuit précipitamment dans un appartement voisin, dont il referma la porte derrière lui. Salvator resta anéanti sur le parquet. Ses yeux hagards se portaient successivement sur le vase et sur la valise, comme s'ils eussent pu lui expliquer le mystère épouvantable qui l'entourait. Enfin, il fit un dernier effort, se traîna jusqu'à la porte derrière laquelle avait disparu le prince, et là, d'une voix suppliante, lamentable, il appela plusieurs fois « Monseigneur, monseigneur, monseigneur !» Mais ses cris restèrent sans réponse. Salvator se releva de toute sa hauteur. Il jeta un regard de dédain sur la porte implacable, repoussa du pied la bourse qui se trouvait sur son passage, alla ramasser sa valise et descendit. À peine rentré chez lui, le jeune peintre s'empressa de quitter tous les somptueux habits qu'il devait à la magnificence du prince. Il reprit son ancien et modeste costume, serra précieusement son album et ses crayons, et passa autour de son corps le petit sac de cuir qui devait de nouveau renfermer son léger bagage. Ainsi disposé pour le voyage, rien ne devait plus retenir Salvator dans cette fatale maison, et pourtant il ne pouvait se décider à partir. Debout sur le seuil du pavillon, il promenait autour de lui un regard inquiet et surpris, comme s'il eût attendu la dernière visite d'une personne amie. Mais les allées du parc restaient solitaires, et aucune tête n'apparaissait, même aux fenêtres du palais. Alors Salvator se mit en route, le cœur navré d'un pareil abandon. Depuis quelque temps déjà, le jeune homme côtoyait extérieurement le mur du jardin, lorsque tout à coup, il crut entendre prononcer son nom. Il releva brusquement la tête. C'était Titania, qui, les yeux pleins de larmes, attendait son passage derrière les barreaux de la claire-voie. « Titania, s'écria-t-il, vous ne m'avez donc pas abandonné ?» Titania, pour toute réponse, lui tendit la main. Le jeune homme s'en empara vivement et la pressa sur sa poitrine, en fixant sur la jeune fille un regard reconnaissant. Enfin, après quelques instants de contemplation et de silence, celle-ci reprit la parole et d'une voix entrecoupée par les sanglots. « Salvator, où allez-vous ? » « Je ne sais pas, » répondit-il. « En me retrouvant sur cette grande route, seul et sans appui, je ne me sens plus le courage qui me soutenait lorsque je la parcourais la première fois. Mon cœur est brisé par tant d'émotions que j'éprouve un grand besoin de le retremper dans les caresses de ma mère et de retourner à Naples. Mais d'un autre côté, j'ai un devoir sacré à remplir. Ma famille a besoin de mon secours. Il faut que j'aille à Rome. Si vous allez à Rome, nous nous reverrons peut-être, car mon père a l'habitude d'y passer la saison d'hiver. Peut-être, reprit Salvator en hochant la tête, mais peut-être aussi sommes-nous destinés à ne jamais nous revoir. Voilà pourquoi, continua-t-il en poussant un profond soupir, je regrette qu'Ophélia ne soit pas venue avec vous ici. Ophélia est bien malade, dit Titania. Ses anciens accès l'ont reprise ce matin et depuis ce temps, elle se tient renfermée dans sa chambre où, suivant sa coutume, elle ne veut recevoir personne. « Oh, tant mieux !» s'écria le jeune homme. « J'aime mieux la savoir malade qu'insensible. »« Écoutez, Titania, puisque je ne puis lui faire moi-même mes adieux, répétez-lui bien le secret que je vais vous apprendre. Jusqu'à présent, j'avais cru devoir le tenir caché dans mon sein. Mais aujourd'hui, il ne peut plus être dangereux ni pour elle ni pour moi. Dites-lui que je l'aime d'un amour insensé. Dites-lui que cet amour, qui ne finira qu'avec ma vie, a commencé le jour où je l'ai rencontré à cette place, lorsque cette tête divine inspira pour la première fois mes crayons. Dites-lui que c'est à elle que je dois les premières douleurs de l'amour, comme c'est à vous que je dois les premiers charmes de l'amitié. » En ce moment, un bruit sourd retentit à leur côté, et le feuillage trembla violemment dans le massif de Charmy le plus voisin. Les deux jeunes gens prêtèrent l'oreille, mais aussitôt une nuée d'oiseaux s'envola au-dessus de leur tête, et ils n'entendirent plus rien. Alors, attribuant à cette cause le bruit qui les avait frappés, ils reprirent leur conversation. « Je le lui dirai, » répondit Titania, surprise au plus haut point de cette révélation inattendue. « Quant au prince Rospigliosi, » continua le jeune peintre, « assurez-le bien de mon innocence. J'ignore quel motif puissant m'a fait encourir sa disgrâce, mais quel qu'il soit, ce motif repose sur une erreur qui s'éclaircira un jour. Je sors d'ici sans aucun reproche de ma conscience, et je n'emporte dans mon cœur qu'une reconnaissance profonde pour toutes les bontés qu'on a eues pour moi. » En achevant ces mots, Salvatore essuya ses yeux pleins de larmes, puis ayant interrogé du regard le ciel et l'horizon. « Il est tard, » reprit-il, « le soleil baisse, et j'ai plusieurs milles à faire ce soir. Adieu, Titania. Adieu, Salvatore, » répondit la jeune fille dont les pleurs débordèrent à ce moment suprême de séparation. Les deux enfants se tinrent longtemps les mains entrelacées et les yeux fixés l'un sur l'autre. Enfin, ils se séparèrent, et Salvatore, après avoir hésité un instant sur le chemin qu'il devait prendre, s'éloigna dans la direction de Naples. Titania, le cœur brisé, la poitrine haletante, le suivit tant qu'elle put du regard, en répondant du geste et de la voix aux adieux que le jeune peintre lui envoya encore de loin. Puis, quand il eut entièrement disparu, elle se laissa tomber à genoux sur l'herbe et commença une fervente prière pour attirer les bénédictions du ciel sur le jeune et malheureux voyageur. Sa prière achevée, la jeune fille se releva et reprit tristement le chemin du palais. Mais à peine eut-elle fait quelques pas qu'un spectacle effrayant s'offrit à ses yeux. Ophélia était là, couchée sur le sol, sans respiration, sans mouvement, sans vie peut-être. « Ophélia !» crie la jeune fille éperdue en se jetant sur le corps inanimé de sa sœur. « Ophélia, reviens-toi, c'est moi qui t'appelle, c'est Titania, c'est ta sœur bien-aimée. Oh mon Dieu, elle est morte, Ophélia !» Celle-ci ne bougeait point. Alors une profonde terreur s'empara de Titania, et dans son trouble, elle se mit à pousser des cris perçants en appelant au secours. Enfin Ophélia ouvrit les yeux. D'abord elle demeura quelque temps engourdie dans une sorte de torpeur, et promena autour d'elle un regard insensé. Mais bientôt la mémoire et la raison lui revinrent. Elle tourna vivement la tête du côté de la claire-voie déserte et d'une voix déchirante. « Salvatore !» demanda-t-elle. « Il est parti. Parti, parti. Oh, qu'on court après lui, qu'on le rappelle. Malheureuse que je suis, il m'aime et c'est moi qui l'ai fait chasser d'ici. Calme-toi, calme-toi, » répétait Titania, épouvantée de ses symptômes de folie. « Il reviendra. « Non, il ne reviendra pas. Mon père, où est mon père? Je vais lui avouer mon crime. »« Votre père le voici, » répondit le prince, qui accourait précipitamment au cri jeté par Titania dans son premier désespoir. 4 années s'étaient écoulées depuis que Salvatore avait quitté la villa du prince. On était alors au carnaval de l'année 1639. Toute la population de Rome semblait sortie des maisons, et néanmoins les croisées étaient encombrées de gens revêtus de travestissements bizarres, qui échangeaient avec les masques de la rue les lazzi les plus baroques et les plus variés. Tout à coup, un homme, dont le visage était masqué, vint s'établir sur le corso, près de l'endroit où cette promenade aboutit à la Piazza del Popolo. D'abord, les promeneurs ne firent point attention à ses gestes ni à ses momeries, mais peu à peu, quelques passants, attirés par l'étrangeté de sa voix, de son costume et de ses saillies, s'arrêtèrent autour de lui. Bientôt, d'autres curieux, ameutés par l'exemple, se joignirent aux premiers, et enfin, la foule devint si compacte dans cet endroit que la circulation y fut entièrement interrompue. En effet, cet homme, qui avait pris le nom de Formica, répandait, sous le prétexte de distribuer des remèdes pour toutes les infirmités, des préceptes de morale qui, par une fine allusion, s'appliquaient à tous les travers et à tous les vices communs à l'espèce humaine. Son ironie mordante, son épigramme caustique, provoquaient de toutes parts l'admiration et les applaudissements des Romains, naturellement enthousiastes de ce genre d'esprit. Au milieu de ces brillantes improvisations, Formica aperçut une jeune femme qui cherchait à fendre la foule, cachée sous le capuchon discret d'un vaste domino noir. C'était pour lui une nouvelle occasion de déployer sa verve et de raviver l'attention déjà blasée de son auditoire. « Signora, signora !» s'écria-t-il en s'avançant vers la jeune femme et en l'arrêtant par le poignet. « Prêtez-moi votre cœur un instant pour que j'enseigne à mes disciples ce qui se passe dans un cœur de femme lorsqu'elle se rend à un rendez-vous d'amour. » Mais à cette voix, la jeune femme tressaillit de tous ses membres et relevant son masque vers l'inconnu. « Signor, montrez-leur le vôtre, car l'amour y est passé aussi. »« Que voulez-vous dire ?» demanda vivement Formica en reprenant son sérieux. « Avez-vous oublié déjà les mots Albani ?»« Grand Dieu, Ophélia !» La jeune femme hocha la tête. « Vous vous trompez, Salvator. Alors vous êtes Titania, car je sens au battement de mon cœur que vous devez être l'une ou l'autre. » « Ce n'est pas le moment de vous l'apprendre, il y a trop de monde ici. Mais demain, pendant la cérémonie des cendres, trouvez-vous à l'église de Santo Carlo al Corso, près du grand bénitier de cristal, j'y serai. » En achevant ces mots, la jeune femme disparut. La foule, désenchantée, s'écoula pour courir à de nouveaux spectacles, et Salvator, resté seul, fut longtemps avant de se remettre de sa joie et de son étonnement. Le lendemain, lorsque le jeune peintre arriva à Santo Carlo, le nombre des fidèles était déjà grand dans l'église. Il eut donc assez de peine à pénétrer jusqu'au lieu indiqué pour le rendez-vous. Cependant, il aperçut bientôt près du bénitier de cristal une jeune femme dévotement agenouillée sur le marbre, complètement absorbée par la ferveur de ses prières. Mais un voile épais recouvrait sa figure et empêchait de reconnaître ses traits. Cet obstacle redoubla la curieuse impatience du jeune homme et accéléra la rapidité de sa marche. Enfin, il arriva en face de la jeune et mystérieuse dévote. À la vue de ce visage aimé qu'il retrouvait toujours aussi gracieux et aussi bienveillant après 4 années d'absence, Salvator fut sur le point de pousser un cri, mais il se contint et ses lèvres seules, par un mouvement imperceptible, prononcèrent le doux nom de Titania. Celle-ci comprit parfaitement l'exclamation muette du jeune homme et lui répondit par un sourire, puis, ayant achevé sa prière, elle se leva. « Sortons, » dit-elle en prenant familièrement le bras du jeune peintre. « Aujourd'hui, tout Rome est dans les temples. Nous pouvons causer à notre aise et sans témoins dehors. » En effet, les rues de la ville sainte étaient désertes. Quelques marchands seuls, attardés pour leurs affaires, achevaient de fermer leurs boutiques et se rendaient aux offices avec une dévote précipitation. « Salvator, » demanda la jeune fille, « qu'êtes-vous devenu depuis votre départ de la Villa Rospigliosi? Êtes-vous heureux? Avez-vous réussi? « Qu'avez-vous fait? Voyons, racontez-moi votre histoire. » « Mon histoire est bien simple, Titania. C'est celle de tous les jeunes gens qui, comme moi, sont livrés à leur propre force et réduits à se faire tout seul un talent et un nom. Depuis 4 ans que je suis à Rome, j'ai beaucoup travaillé, mais je n'ai encore rencontré que la misère et recueilli que le dédain. » « Pauvre ami, » répondit Titania, « vous avez bien souffert, mais vos maux sont finis, car désormais je suis là pour les calmer. » « Est-ce que vous êtes fixé à Rome ?»« Oui. J'habite le palais Rospigliosi dont vous apercevez devant vous les terrasses sur le mont Quirinal. Venez me voir. Je vous présenterai au duc de Castro, mon mari. »« Vous êtes marié ?» s'écria Salvator. « Et Ophélia ?» Cette question causa à Titania une commotion violente. En effet, elle réveillait dans l'esprit de la jeune femme un souvenir douloureux qu'elle s'était efforcée d'écarter jusque-là. Mais Salvator n'avait pu maîtriser le cri de son cœur. L'aveu de Titania avait soulevé dans son sein une inquiétude jalouse et triomphait subitement de la discrétion qui l'avait empêché d'aborder ce sujet depuis leur rencontre. « Qu'avez-vous, Titania ? » reprit le jeune peintre en voyant les larmes qui jaillirent tout à coup des yeux de sa compagne. « Est-ce que je vous ai fait de la peine ? » ?»« Hélas, » répondit Titania. « Il s'est passé de bien tristes événements à la villa après votre départ. J'aurais désiré que vous les eussiez ignorés toujours. » Mais puisque vous m'avez interrogé, je vais vous satisfaire. » Titania garda un instant le silence pour se remettre de son émotion, puis, s'étant essuyé les yeux, elle continua. Vous vous rappelez sans doute, Salvator, la révélation que vous me fîtes, en m'adressant vos adieux, de votre amour pour Ophélia. Vous vous rappelez aussi que pendant cette révélation, un bruit étrange se fit entendre dans les broussailles. D'abord, nous l'attribuâmes à quelques oiseaux effarouchés qui avaient pris leur volée au-dessus de nos têtes. Mais quand vous fûtes parti, la vérité m'apparut dans toute sa nudité. C'était Ophélia qui, cachée dans la charmille, avait écouté l'aveu de vos sentiments pour elle et tombait évanouie sous le poids des vives impressions que cette découverte lui avait causées. Elle m'aimait donc ? Oui, Salvatore, elle vous aimait, mais en secret, mystérieusement, comme vous l'aviez aimé, vous. Or, cette défiance réciproque, qui vous faisait croire à l'un et à l'autre que votre amour était méconnu, avait porté dans ses esprits un trouble assez profond pour lui faire concevoir une vengeance basse et cruelle. Bref, c'est elle qui, dans un transport inexplicable de désespoir et de jalousie, a provoqué votre renvoi. Comment cela ? C'est le secret de ma sœur, Salvatore, je ne puis le révéler. Seulement, vous comprenez quel terrible remords elle dut éprouver en apprenant son ingratitude et son erreur. Elle voulut se précipiter vers vous, elle voulut vous faire l'aveu de sa faute, vous demander pardon, vous retenir jusqu'à ce qu'elle vous eût justifié aux yeux de notre père. Mais ses forces la trahirent, et elle perdit connaissance avant de pouvoir exécuter son projet. Quand elle reprit ses esprits, vous n'étiez plus là. Alors ce fut un désespoir profond, terrible, qui ne se calma que lorsque le prince, accouru au cri que nous poussions l'une et l'autre, eut reçu l'aveu du crime d'Ophélia et prit les moyens d'en arrêter les suites. Presque aussitôt, en effet, un domestique à cheval courut à votre poursuite sur la route de Naples. « Mais je ne suis point allé à Naples. Cependant, vous aviez pris cette direction. C'est vrai. Je m'étais laissé entraîner d'abord par le besoin que j'éprouvais de revoir ma famille. Mais bientôt, triomphant de ce sentiment passager d'égoïsme, je suis revenu sur mes pas pour reprendre la route qui m'a conduit à Rome. Vous avez donc repassé devant la claire-voie ? Demanda Titania avec inquiétude. Non, je n'en ai pas eu le courage. J'ai tourné la montagne et pris les chemins de traverse jusqu'à Frascati. Oh, tant mieux ! Vous eussiez vu la scène la plus triste à laquelle il soit possible d'assister, celle d'un père maudissant sa fille. Et encore, non, car votre retour eût certainement empêché l'affreux malheur qui est arrivé. Oh, mon Dieu ! Que voulez-vous dire, Titania ? Comme vous le pensez bien, le domestique envoyé à votre recherche revint sans vous avoir rencontré. Alors mon père, qui dans le cas contraire eût sans doute pardonné à Ophélia, voyant que sa faute était irrémédiable, entra dans une grande colère. « Vous savez, Salvatore, l'affection que le prince vous portait. Songez quel reproche il dut se faire, quel regret il dut ressentir de la conduite qu'il avait tenue envers vous. Ce fut l'arrêt de condamnation d'Ophélia. Notre père vit dans l'action de ma sœur une preuve de perversité si profonde que larmes, prières, supplications, rien ne put le faire fléchir. Il résolut aussitôt de se séparer de sa fille et 2 heures après, Ophélia était ici, à Rome, enfermée pour le reste de ses jours dans un couvent. « Oh, ciel ! Et ce couvent, où est-il ? Le voici !» dit Titania en montrant au jeune peintre un vaste édifice dont le portique splendide s'étalait devant eux. « Et votre père, Titania ? Conduisez-moi à votre père, que je lui demande la grâce de sa fille. Il peut bien pardonner Ophélia, lui, puisque moi je lui pardonne. » « Notre père est mort, » répondit tristement la jeune femme. « Le chagrin l'a tué. »« Grand Dieu, je suis donc votre mauvais génie. J'ai porté le trouble et la désolation dans votre famille. Oh, donnez-moi le moyen de réparer une partie du mal que je vous ai fait. Permettez-moi de sauver ma dernière victime. Menez-moi vers Ophélia. » »« Je ne le puis. Mon père a défendu expressément que je revise jamais ma sœur. » »« Ses défenses est l'œuvre d'une colère toute humaine qui ne subsiste plus aujourd'hui. » « Je le crois comme vous, Salvatore, mais les ordres du prince ont survécu à ses volontés. Plusieurs fois depuis sa mort, je me suis présenté au couvent pour revoir Ophélia, et toujours mes prières ont été impitoyablement repoussées. » « C'en est donc fait, » s'écria le jeune peintre en se prenant le front à 2 mains. Cependant, les offices étaient terminés. Les fidèles sortaient à flot des églises et remplissaient les rues d'une foule joyeuse et bruyante. Salvatore et Titania, qui, debout devant les murs du couvent, avaient jusque-là donné un libre cours à leur désespoir, ne tardèrent pas à remarquer l'attention et l'étonnement que leurs larmes provoquaient. « Salvatore, » dit tout à coup la jeune patricienne, effarouchée des regards curieux qui se portaient sur elle et craignant d'être reconnue, « nous ne sommes plus seuls. Il est inutile d'étaler notre douleur aux yeux profanes d'un public. Il ne saurait la comprendre. Veuillez me reconduire au palais. » Le jeune homme lui offrit silencieusement son bras, Ils s'éloignèrent tous les deux en prenant les rues les moins fréquentées. Lorsqu'ils furent arrivés sur la Piazza di Montecavallo, située à peu de distance du palais Rospigliosi, la jeune femme s'arrêta. « Me voilà rendue, reprit-elle. Laissez-moi ici. Je ne peux pas, dans l'état de trouble où je suis, que mes gens m'aperçoivent avec vous. Adieu, Salvatore. Quand vous reverrai-je ? » Bientôt, Titania. Oh, venez, Salvatore, vous êtes le seul confident de mes peines, et j'ai besoin d'un ami, dans le sein duquel je puisse les déposer. Salvatore saisit la main de Titania et y déposa un baiser. Celle-ci répondit par une douce étreinte, et rentra aussitôt au palais. À peine fut-il seul, que le jeune peintre, qui ne s'était éloigné qu'à regret de la maison fatale où languissait Ophélia, profita avidement de la liberté qui lui était rendue pour suivre sans contrainte l'irrésistible impulsion de son cœur. Il revint précipitamment sur ses pas et courut tout d'une haleine jusqu'au couvent. Peu soucieux pour son propre compte de l'indiscrète curiosité des passants, il s'assit sans façon sur un tronçon de colonne, comme on en rencontre partout sur ce sol mal rajeuni de la Rome antique, et porta son regard pensif vers la porte infranchissable qui le séparait à jamais d'Ophélia. Salvatore espérait-il trouver dans son imagination féconde comme celle de tous les amants et surexcitée par la grandeur même de l'obstacle, quelque audacieux moyen de pénétrer dans cet asile inviolable, ou, à défaut de l'aspect réjouissant de sa bien-aimée, se repaissait-il simplement du spectacle des murailles qu'il a dérobé à ses yeux? Le cœur humain se contente souvent de ces consolations fragiles et vaines. Quoi qu'il en soit, il y avait déjà quelque temps que Salvatore était plongé dans ses méditations, lorsqu'un bruit vint interrompre le cours de ses pensées. Il releva machinalement la tête et aperçut près de lui un petit vieillard grotesquement vêtu de ses habits de fête, qui revenait de la messe et rouvrait sa boutique afin de rentrer chez lui. Salvatore plongea la vue dans l'intérieur de la maison et vit un nombre infini de tableaux et de statues qui tapissaient les murailles et encombraient les angles et le milieu du magasin. C'était la boutique d'un brocanteur. « Baratatore, dit Salvatore en se levant, comment appelez-vous ce couvent ?»« Le couvent de la Convenzione, signor. C'est là qu'on enferme le damigel qui ont donné des sujets de mécontentement à leur famille. »« C'est bien cela. On m'a dit que la chapelle contenait des morceaux de peinture du plus grand mérite. Ne pourrais-je pas la visiter ?»« La visiter, signor, s'écria le marchand étonné. Y pensez-vous ? C'est peut-être le monastère le mieux gardé de tous les états de l'Église. » Jamais je n'ai vu cette porte s'ouvrir pour d'autres que pour des gens de Dieu. Moi seul, et une seule fois encore, je suis allé y porter un tableau de piété que la badessa avait remarqué à mon étalage et qu'elle acheta pour son oratoire. Depuis, quand j'ai des objets qui lui conviennent, elle les envoie prendre par des gens du couvent. Ah ! Reprit Salvatore, dont le front rayonna subitement d'une joie indicible. L'abbesse se pourvoit quelquefois chez vous ? Si, signor. Vous achetez des tableaux ? Non, j'en vends. Les jeunes artistes qui n'ont pas encore un nom assez connu pour qu'on aille les trouver chez eux m'apportent leurs ouvrages. Je les étale au soleil devant ma porte, les passants les achètent et je partage le produit de la vente avec les auteurs. Ah, vous devez vous appeler Abraham, Isaac, Jacob ou quelque chose d'approchant, je gage. Vous avez deviné, signor, je me nomme Abraham. Eh bien, Abraham, dans quelque temps, je vous confierai la vente d'une de mes œuvres. Au revoir. En achevant ces mots, Salvatore salua le brocanteur stupéfait et s'enfuit en toute hâte, mais en repassant près de la porte du couvent. « Ophélia, s'écria-t-il, si Dieu et l'inspiration me viennent en aide, j'espère bientôt te revoir. » Salvatore rentra chez lui et se renferma aussitôt dans son atelier. Pendant cette séquestration volontaire, il y eut bien des découragements et des colères, bien des mouvements de joie et d'orgueil, suivant que l'inspiration répondit plus ou moins docilement à l'appel de l'artiste. Enfin, après 3 mois d'un travail consciencieux et opiniâtre, Salvatore sortit de son atelier. C'était un soir. Il ne faisait pas nuit encore, mais depuis longtemps déjà, le soleil était descendu sur l'horizon, et les objets n'étaient plus éclairés que par les pâles lueurs du crépuscule. Le jeune peintre portait à son bras une toile d'une assez vaste dimension et recouverte avec soin d'une draperie qui en dérobait la vue au regard désappointé des curieux. Sans doute la démarche qu'il faisait en ce moment inquiétait fort le jeune homme, car une vive rougeur colorait ses joues et une expression soucieuse fronçait la peau de son front et de ses sourcils. « Abraham, dit-il, voilà le tableau que je vous ai promis. vous l'exposerez demain à votre porte. » En disant ces mots, Salvator découvrit sa toile. Le marchand prit ses lunettes et se posa gravement devant l'œuvre du jeune peintre. Puis, après un instant de recueillement et de silence, « C'est beau, cela, » dit-il de l'air profond d'un connaisseur consommé. « Si je ne me trompe, ce tableau pourrait fort bien convenir à la badessa, car le sujet représente à merveille la destination de son couvent. » En effet, le tableau représentait la Madeleine pécheresse implorant et recevant le pardon du Seigneur. L'homme-Dieu, devant la coupable prosternée à ses pieds, la relevait avec bienveillance, en lui montrant le ciel qu'un ange entr'ouvrait pour elle. Le Père éternel, que l'on apercevait par cette ouverture, dans toute sa majesté et toute sa gloire, semblait attendre patiemment la nouvelle convertie, derrière laquelle gisait une coupe vide et renversée, symbole des erreurs et des séductions mondaines qu'elle venait d'abjurer. Mais bien que l'observation du marchand répondît parfaitement au projet conçu par Salvator, celui-ci dissimula sa joie avec soin. « Abraham, reprit-il froidement, écoutez-moi bien. Si quelqu'un marchande ce tableau, vous direz qu'il est vendu. » Ces paroles plongèrent le brocanteur dans un étonnement indicible. « Vendu, mais à qui ?» Quelquefois, les amateurs désirent connaître le nom des acquéreurs, afin de leur demander l'autorisation de prendre des copies. « À qui ?»« Eh bien, à la duchesse de Castro. »« Hein ?» Abraham, ajouta Salvator, en voyant l'hésitation du juif à se prêter à un subterfuge qui lui enlevait tout son profit, « je ne suis qu'un pauvre artiste, et ne puis vous promettre une grande récompense, mais avant peu, vous pourrez vendre ce tableau, et si, comme vous semblez l'espérer, vous en obtenez un bon prix, la moitié de ce prix sera pour vous. » « C'est bien, Seigneur, » répondit le juif en s'apprivoisant, « il sera fait comme vous avez dit. » Le jeune peintre s'éloigna et courut aussitôt chez la duchesse de Castro pour l'informer de ses espérances et de la part qu'il lui avait fait prendre dans ses projets. « Vous avez d'autant mieux fait, avait répondu Titania, que j'achète réellement votre tableau de 100 ducats. » Le lendemain, Salvator retourna de grand matin chez le brocanteur. Le tableau était déjà à la porte et les passants s'arrêtaient pour le regarder. Le jeune peintre, debout près de son œuvre, en proie à une émotion bien naturelle, recueillit avidement les paroles qu'il entendait prononcer autour de lui. Plus d'un jugement sévère vint de temps à autre blesser son oreille, mais des éloges plus nombreux relevaient son courage et atténuaient la fâcheuse impression de ses critiques rarement judicieuses. En résumé, ce tableau excitait généralement l'intérêt. Quelques personnes s'informaient du prix, du nom de l'auteur et, sur la réponse du juif, passaient outre. Mais d'autres, ainsi qu'Abraham l'avait dit, demandaient le nom de l'acquéreur et l'inscrivaient sur leur tablette. Le jour suivant, la foule fut plus considérable et Salvator commença à éprouver les véritables jouissances de l'amour-propre. Enfin, quelques jours après, cette production vraiment remarquable avait fait tant de bruit dans la ville qu'on était accouru de toutes parts pour la voir. Salvator se trouvait encore là et cette fois, il put s'enivrer d'un véritable triomphe. Tout à coup, une dame, revêtue d'un costume de religieuse et portant les insignes d'un grade supérieur, fendit la foule et considéra un instant le tableau en silence. Aussitôt, le brocanteur s'étant approché du jeune peintre, « Voici la badessa del Convento, » lui dit-il. Salvator tressaillit et s'approcha de l'abbesse avec anxiété. « Abraham, » demanda celle-ci, « quel est le prix de ce tableau ?»« Signora badessa, il est vendu. » « À qui donc ?»« À la duchesse de Castro. » « Est-ce qu'on ne pourrait pas en avoir une copie ?»« C'est impossible, signora, » répondit Salvator, en tremblant de tous ses membres. « Le peintre s'est engagé à n'en point laisser prendre. » « Et quel est le peintre ?»« C'est moi, signora. » L'abbesse jeta un rapide regard sur le jeune homme et s'éloigna sans dire un seul mot. Salvator resta foudroyé. Tous les yeux se portèrent sur lui et les paroles les plus louangeuses s'élevèrent de la foule. Mais Salvator était devenu insensible et quand il revint à lui, ce murmure flatteur lui parut tellement importun et ironique qu'il s'esquiva brusquement pour aller renfermer chez lui son désespoir et sa douleur. Le lendemain, il ne parut que fort tard chez le juif. Il venait y reprendre son œuvre, mais aussitôt qu'Abraham l'eut aperçu, « Signor !» s'écria-t-il en courant au-devant du jeune peintre, « l'abbesse est revenue !» Ce peu de mots opéra dans le jeune peintre une transformation complète. Ses yeux ternes et cernés s'allumèrent d'un éclat surnaturel, et un sourire étrange anima toute sa physionomie. « Eh bien, » demanda-t-il, « votre tableau lui tient fort à cœur. Elle est désespérée de ne pouvoir l'acquérir, et si je ne me trompe, elle a grande envie de vous en commander un pareil. »« Ah, mon ami, » s'écria Salvatore, que me dis-tu là ? J'ai déjà trouvé de mon tableau 200 ducats. Si tu réussis à me faire travailler dans l'intérieur du couvent, je te les abandonne. Murmura le juif. Dans l'intérieur du couvent, c'est un peu difficile. Cependant, nous pourrons le tenter. Revenez demain. Salvatore serra la main du juif avec amitié et courut aussitôt chez Titania l'informer du nouvel état de ses espérances. Oh, si vous parvenez à voir Ophélia, dit la jeune femme, dites-lui bien les efforts que j'ai faits pour parvenir jusqu'à elle, et surtout la vive affection que sa sœur n'a jamais cessé de lui porter. Je le lui dirai, Titania. Tenez, voilà les 200 ducats que je vous dois. Si vous croyez avoir besoin d'une plus forte somme pour faciliter l'exécution de votre projet, demandez-la moi, Salvatore, car je veux être votre associé et votre complice dans une entreprise qui a pour but de sauver ma sœur. Merci, répondit le jeune homme. Ces 200 ducats me suffiront. Le lendemain, Salvatore retourna de bonne heure chez le marchand. Celui-ci le reçut avec un visage radieux. Corvo di Bacco, signor. Vous venez bien matin? Je meurs d'impatience. Eh bien, j'ai revu la veste. Je lui ai dit que vos engagements avec la duchesse de Castro vous défendaient formellement de reproduire votre tableau sur la toile, mais que vous pourriez facilement le peindre à fresque sur un des murs de l'intérieur du couvent. Bene. Cette réponse a paru la contrarier beaucoup. Il a réfléchi longtemps avant de prendre un parti. Ses yeux se portaient fréquemment sur votre peinture et je voyais le chagrin qu'elle éprouvait de ne pouvoir satisfaire son premier caprice. Aussi ai-je profité habilement de sa disposition d'esprit et enfin, après de nombreuses difficultés, je suis parvenu à la persuader complètement. Abraham, tu es mon sauveur. Elle doit revenir vous prendre ici dans 3 heures, pour s'entendre avec vous et vous introduire dans le couvent. Si vous voulez, dans l'intervalle, faire enlever votre tableau, je crois que vous ferez bien. Le regret qu'elle éprouvera de ne plus le voir achèvera de la décider. Voilà, signor, ce que j'ai fait pour vous. Êtes-vous satisfait ? Ah, Abraham, s'écria le jeune peintre en se jetant au cou du juif, quelle reconnaissance je vous dois. Courez chercher un facchino et faites porter sur le champ le tableau chez la duchesse. Cet ordre fut exécuté à l'instant. Enfin, l'abbesse arriva. Ainsi que l'avait prévu Abraham, elle chercha le tableau d'un regard inquiet et parut ressentir une vive contrariété de ne le plus trouver là. Alors, se retournant vers le jeune peintre, « Signor Pittore, » dit-elle, « Abraham vous a sans doute fait part de mes intentions. »« Si, signor. »« Eh bien, veuillez me suivre. » En achevant ces mots, l'abbesse sortit de la boutique du brocanteur, accompagnée de Salvatore, qui avait peine à dissimuler l'excès de sa joie et de son bonheur. Lorsqu'il entra dans le sanctuaire, le jeune peintre se sentit pénétré d'une émotion inexprimable. Cet air, qu'il respirait en commun avec Ophélia, provoqua dans sa poitrine une ardeur inconnue. « Signor Pittore, » reprit l'abbesse, « voici notre chapelle. Vous pourrez y venir tous les jours après les matines, mais il faudra vous retirer avant les vêpres. » Une fois seul, Salvatore s'empressa de reconnaître la disposition des lieux où il se trouvait. Les murs latéraux de la chapelle étaient percés de plusieurs portes, mais toutes étaient fermées et closes de telle sorte qu'aucun œil profane ne put pénétrer à travers leur épaisseur. Alors, le jeune peintre se dirigea vers une porte plus vaste que les autres, située au bas de l'édifice et qui, par sa forme et sa position, semblait être la principale communication entre l'église et les autres parties du couvent. Au milieu de chacun des 2 panneaux de cette porte, il y avait une ouverture carrée, bouchée par un treillis de fer derrière lequel pendait une petite draperie en soie verte qui empêchait la vue de s'étendre au-delà. Mû par un sentiment de curiosité irrésistible, Salvatore souleva doucement du doigt cette légère draperie et soudain son regard plongea dans les profondeurs d'un cloître magnifique dont les arcades et les colonnes régnaient autour d'une cour spacieuse toute plantée de sycomores. Quelques religieuses, tristes et pensives, se promenaient isolément à l'ombre des arbres ou sous les voûtes des galeries. Cette vue jeta Salvatore dans une émotion extraordinaire. Il interrogea avec anxiété tous ces jeunes et pâles visages, dans l'espoir de rencontrer sous un de ces voiles lugubres la malheureuse qu'un excès d'amour et de jalousie avait conduite dans cet asile de pénitence et d'expiation. Mais ses recherches furent vaines. Bientôt même, toutes ces apparitions s'évanouirent une à une, et le cloître devint silencieux et désert. Alors une grande inquiétude s'empara du jeune peintre. car il comprit que les sages précautions de l'abbesse avaient élevé autour de lui des obstacles insurmontables. Seul, il ne pouvait rien entreprendre, et rien ne lui laissait entrevoir le moyen de signaler sa présence à Ophélia. Accablé par cette réflexion, Salvator demeura quelques jours pensif et rêveur. Mais bientôt l'amour vint à son aide et lui suggéra une idée qui réveilla tout son espoir. Aussitôt Salvator se mit à l'œuvre. Mais en esquissant sa fresque, il modifia la physionomie de tous ses personnages et leur donna une expression toute nouvelle. C'était bien le même sujet, c'était le même groupe, les mêmes acteurs, les mêmes poses. La Madeleine, le Christ, l'ange, le Dieu de miséricorde, tous se trouvaient encore réunis pour l'accomplissement de ce grand acte qui transforma la pécheresse en une sainte. Mais il était facile désormais de reconnaître le prince Rospigliosi sous la barbe majestueuse de l'être suprême, Titania sous la blonde chevelure de l'esprit céleste, Ophélia sous les larmes de la créature repentante. Et c'était bien lui, Salvator, qui sous les traits de Jésus pardonnait à la coupable en considération de l'amour qu'elle avait eu pour lui. Soit que le sentiment qui dominait la nouvelle conception de son œuvre, soit qu'un instinct mystérieux l'eût entraîné au-delà de sa pensée, le jeune peintre transforma jusqu'à la coupe renversée au pied de la Madeleine et lui substitua l'image de la tasse merveilleuse ouvrée par Benvenuto Cellini. La première fois que l'abbesse remarqua ce changement, elle ne put d'abord dissimuler sa surprise. Cependant, le sens caché de cette peinture allégorique lui échappa. Et bientôt, elle se laissa subjuguer par le charme saisissant que l'artiste avait donné à sa nouvelle composition. Ophélia seule, en cédant pendant l'office au sentiment de curiosité qui attirait naturellement les regards distraits des religieuses sur ce tableau, devait en comprendre l'origine et le but. En effet, le lendemain, lorsqu'il remonta sur son échafaudage, le jeune homme trouva la toile qu'il avait tendue du côté de la fenêtre afin de s'abriter du soleil, roulée sur elle-même comme un linceul. Salvator, étonné de cette bizarrerie, chercha à déplier le rideau. Mais à peine eut-il mis la main sur la draperie, qu'une jeune femme, jusque-là cachée dans les plis, apparut debout devant lui. « Ophélia ! » s'écria l'artiste éperdu. « Silence ! » dit la jeune femme en posant vivement sa main sur les lèvres du jeune peintre. « Je vous ai attendu toute la nuit et toute la matinée à cette place. »« Ophélia !» reprit Salvator en s'agenouillant au pied de son idole. « Vous saviez donc me trouver ici. »« Quel autre que vous aurait pu produire cette peinture ? Oh, Dieu du ciel, sois béni, car tu as couronné toutes mes espérances. »« Oui, Ophélia, c'est moi qui ai fait cette peinture, dans le seul but de vous révéler ma présence en ces lieux. »« Comment, après 4 années d'absence, avez-vous fait pour découvrir que j'habitais ce monastère ?»« J'ai rencontré Titania qui m'a tout appris. »« Tout ? Tout, hormis votre faute, Ophélia. » Vous l'avez donc deviné, Salvator ? Car, continua la jeune femme en montrant la coupe de Benvenuto gisante au pied de la Madeleine, vous avez traduit le symbole par la vérité. Grand Dieu ! S'écria Salvator, je comprends tout maintenant. Un long silence succéda à cette conversation. Ophélia, accablée sous le poids de sa confusion et de ses remords, se tenait à pleine main le visage, tandis que le jeune homme, ému de pitié, restait absorbé dans la contemplation de la jeune fille en pleurs. Ophélia, il est vrai, était superbe sous son costume de religieuse. Le long voile qui lui couvrait la tête et tombait en plis majestueux le long de ses épaules et de son corps lui donnait l'apparence de ces figures fantastiques que Flaxman a si bien rendues depuis par ses traits purs et allongés. « Ophélia, reprit enfin Salvator, je vous pardonne et viens vous sauver. » Votre père est mort, mais il vous reste une sœur et un ami dévoué, prêt à tout entreprendre pour vous arracher à ce sépulcre. Le voulez-vous, Ophélia ? Oh, si je le veux ! Que faire alors ? Les moments sont précieux. Je ne puis sortir d'ici que ce soir, en me mêlant à la foule de mes compagnes. Mais on s'est aperçu de mon absence, et à chaque instant, on peut venir nous surprendre. Écoutez, Salvator, pour fuir cette prison que j'aborde, il me faut 2 clés. Celle de la porte du cloître et celle de la petite porte qui conduit dans le jardin particulier de l'abbesse. Quel est votre banc, Ophélia ? Celui qui est le plus proche du confessionnal. C'est bien, demain vous les y trouverez. La Strada dell'Angeli est habituellement déserte, mais le mur du jardin est très élevé de ce côté. J'apporterai les moyens de le franchir, mais il faudra s'éloigner bien rapidement ensuite. Titania vous attendra dans son carrosse à l'extrémité de la rue. « Oh, ma sœur, je vais donc te revoir. Dans deux nuits, je serai donc libre. » Cependant, c'était l'heure à laquelle le jeune peintre était obligé de suspendre son travail. Il s'empara de la main d'Ophélia et la baisa à plusieurs reprises. Puis, étant descendu sur le pavé du temple, il courut prendre l'empreinte des serrures dont il devait se procurer les clés et partit, non sans avoir jeté derrière lui, un dernier regard d'espérance et d'amour. Aussitôt, la jeune fille s'enveloppa de nouveau dans la mystérieuse draperie. Lorsque, le jour suivant, Salvatore rétablit le tableau dans sa position habituelle, Ophélia n'y était plus. Mais il se consola rapidement en songeant à l'événement prochain qui allait le rapprocher d'elle pour toujours. Rassuré désormais sur l'issue d'une entreprise qui ne demandait plus que de l'audace, l'artiste trouva dégagé de toutes les préoccupations inquiétantes qu'il avait absorbées jusque-là. Alors le sentiment de son art s'empara exclusivement de sa pensée. Il voulut, dans le court intervalle qui lui restait, achever complètement sa peinture et laisser dans le couvent une trace glorieuse de son talent. Enfin, le chef-d'œuvre fut accompli et Salvatore lui-même ne put comprimer un cri de joie et d'orgueil en le voyant. Un seul soin lui restait à remplir, mais il hésita avant de l'entreprendre. À cette époque de génie et de grandeur, les maîtres seuls étaient dans l'usage de signer leurs ouvrages, et le jeune peintre n'osait usurper un privilège que le succès ne lui avait pas encore concédé. Cependant, un instinct secret lui révélait l'importance et le mérite de sa production. Il était seul, sans témoin. Le public ne pouvait être admis à découvrir sa fraude. La postérité seule serait appelée à lui en demander compte. Cette dernière considération triompha de tous ses scrupules. Salvatore signa. Presque au même moment, l'abbesse entra dans la chapelle. La fresque admirable excita en elle un enthousiasme impossible à décrire. Mais à peine se fut-elle approchée pour mieux apprécier la perfection de ce travail, qu'à la vue du nom du peintre, son regard s'assombrit tout à coup. « Signor, » demanda-t-elle avec anxiété, « est-ce là votre nom ?»« Oui, signor, » répondit Salvatore étonné du ton de cette demande. « Ciel, vous êtes ici pour Ophélia. » À ces mots, Salvatore devint pâle et recula comme si la terre se fût entr'ouverte sous ses pieds. « Que voulez-vous dire ? » demanda-t-il à son tour. « Oh, reprit l'abbesse, je sais votre histoire. Le prince Rospigliosi, en me confiant sa fille, m'a tout appris. Vous m'avez joué indignement, signor, et je vois bien ce que vous êtes venu tenter ici. Ce tableau, je le reconnais maintenant, est une œuvre impie. Vous ne l'avez fait que pour informer Ophélia de votre présence. Demain, il aura disparu de ses murailles sacrées. Il vous appartient, signora, répondit le jeune homme avec résignation. Quant à Ophélia, elle a passé une nuit hors du dortoir, une journée hors du cloître, c'est ici qu'elle a dû venir. Elle expira son crime dans les souterrains du monastère. Oh, cela vous ne le ferez point, signora. Quant à vous, signor, prenez garde. N'essayez pas une seconde fois de soustraire cette jeune fille à mon autorité. Songez qu'il y a peine de mort contre tout homme qui enlève une religieuse. Je ne crains point la mort. Maintenant, allez prier Dieu qu'il vous pardonne. En achevant ces mots, l'abbesse montra impérieusement du doigt la porte au jeune homme qui se retira la rage dans le cœur. Il venait en effet de perdre d'un seul coup ses plus chères et ses plus nobles espérances. Un seul mot, son nom seul, un instant de présomption et d'orgueil avait suffi pour renverser tous ses projets. Éperdu, hors de lui, l'œil égaré, la chevelure en désordre, Salvatore courut aussitôt au palais Rospigliosi. « Salvatore, » demanda Titania, « qu'avez-vous ? » ?»« Tout est perdu, » répondit le jeune homme. « L'abbesse m'a reconnu, elle m'a chassé du monastère. Ophélia, plongée dans les profondeurs d'un cachot, expie en ce moment le tort d'avoir voulu se soustraire à l'esclavage. « Grand Dieu, que dites-vous là ?»« Oh !» reprit résolument le jeune homme, « je n'abandonne point ainsi mon projet. Si Ophélia ne peut venir ce soir à notre rendez-vous, j'irai seul. Je franchirai le mur du jardin, je fouillerai tout le monastère, et s'il le faut, pour rendre la liberté à la jeune captive, eh bien, Titania, je mettrai le feu au couvent. » Aussitôt que la nuit fut venue, Salvatore se rendit en effet à la Strada dell'Angeli. Titania, profondément inquiète sur l'issue de cette entreprise désespérée, accompagna le jeune peintre et l'attendit à quelque distance dans son carrosse, toute prête à lui porter secours dans le cas où il aurait besoin de fuir. mais à peine celui-ci eut-il escaladé la muraille, une ombre blanche et fantastique sortit de l'épaisseur d'une charmille et vint se poser dans le jardin au-dessous de lui. « Salvator, » dit l'apparition. « Ce matin, j'ai tout vu, tout entendu à travers les grillages de la porte du cloître. Depuis ce moment, je me cache, et je me suis dérobé jusqu'à présent à toutes les recherches. Une échelle, vite, une échelle, j'ai encore le temps de fuir. » Salvator attira promptement à lui l'échelle de soie qu'il avait apportée et l'attendit à Ophélia. Celle-ci la saisit aussitôt et parvint en un instant sur le sommet de la muraille. Mais au même moment, de grands cris se firent entendre dans la rue. Le jeune homme se pencha en arrière et vit de loin la bête qui accourait, suivie de halbardiers et de laquais portant des torches. À cette vue, Ophélia perdit la tête. L'épouvante troubla ses esprits. Décidée à tout braver plutôt que de redevenir la proie de ses ennemis, elle n'attendit pas que l'échelle fût ramenée en dehors, se précipita les yeux fermés et tomba en poussant un cri aigu sur le pavé. Salvator, qui avait conservé tout son sang-froid, descendit rapidement et s'empara du corps inanimé de la jeune fille, mais ce n'était plus qu'un cadavre. « Titania, s'écria-t-il en déposant ce fardeau précieux dans le carrosse de la duchesse, je suis un être maudit. Je tue tous ceux qui m'aiment. Fuyez-moi, si vous ne voulez tôt ou tard éprouver le même sort. » Puis, s'étant éloigné à la hâte, Salvator prit aussitôt la route de Naples, où il trouva bientôt, dans l'insurrection du pêcheur Masaniello, une distraction à sa vive et profonde douleur. Cependant, l'abbesse était enfin arrivée avec sa suite sur le théâtre de l'événement. « Seigneur, » dit-elle en se tournant vers un officier de justice qui l'accompagnait, « voici encore l'échelle, mais le ravisseur n'est plus là. »« Son nom ?» demanda vivement l'officier en tirant ses tablettes. « Salvator Rosa. » Tel fut, en effet, l'origine de l'humeur sauvage et chagrine que ce grand peintre conserva pendant tout le reste de sa vie et qui influa si prodigieusement sur le genre de la plupart de ses compositions. Ainsi s'achève la Villa Rospigliosi par Hippolyte Etienèse.